France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Cette vie humble aux travaux ennuyeux et faciles, ils sont pas si faciles que ça, ces travaux. L'histoire des professions invisibles, les intérimaires. Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévalué que les valeurs en bourse. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. Alors j'ai fait le tour des agences d'intérim de Caen. On me traite avec une douceur d'infirmière dans un service de soins palliatifs, mais fermement. Les questions tombent, toujours les mêmes. Est-ce que j'ai une expérience dans l'intérim? Non. Est-ce que j'ai au moins une expérience quelconque et récente à Caen? Non et non. Bah, vous êtes plutôt... Je le vois chercher un mot qui, sans être blessant, serait tout de même réaliste. Il a trouvé et fait un grand sourire. Vous êtes plutôt le fond de la casserole, madame. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Maintenant qu'on a reconnu sans doute madame Florence Aubenas, je dis bonjour à Arthur Freyer-Lalex. Bonjour. Alors, du haut de votre jeunesse, vous m'avez condamné tout à l'heure en disant « Ah, moi je suis né en 83 ». Vous me regardiez comme un baby-boomer, sans doute. Au temps de la crise. La crise, comme dit Florence Aubenas. Alors, comment expliquer la crise? Comment la considérer? Vous participez régulièrement, soyons sérieux, à une excellente revue, dont le numéro 4 vient de paraître, qui s'appelle Zadig, et dont le principe est le suivant. Toutes les Frances racontent aux Français la France. Et vous y êtes présenté, au début d'un long papier que vous consacrez aux intérimaires, comme un reporter. Alors vous savez, il y a beaucoup de noms pour qualifier le journalisme d'enquête. Reporter, le factuel, Tintin. Florence Aubenas, le journalisme d'immersion. Elle devient femme de ménage sur un ferryboat à Ouistreham. On a aussi parlé autrefois des témoins ambassadeurs. Genre Séverine, qui raconte le procès Dreyfus à Rennes. Vous aimez bien le mot reporter? Oui, j'aime bien ce terme, peut-être même plus que journaliste, que reporter, et cette idée de rapporter. Tout bêtement, on va à un endroit, sur un terrain qu'on connaît pas, ou mal, ou sur lequel on a des a priori, et on ramène quelque chose, on en ramène. Et ce qui est toujours fantastique, c'est qu'on sait pas ce qu'on va ramener. Il y a toujours cette expression, penser contre soi-même, et c'est ça qui est vraiment fantastique dans le reportage, c'est que on y va avec des idées préconçues. Évidemment, ça se passe jamais comme ce qu'on va imaginer. Et c'est ça qu'il faut raconter. C'est plus notre surprise, ce qui va nous déranger, qui mérite d'être raconté. Mais quand vous allez auprès d'un garde forestier assermenté à l'Office National des Forêts, ou que vous allez sur un bateau de pêche au Guilvinec, vous êtes présenté comme journaliste, non? Oui, là, en l'occurrence, vous faites référence au tout premier numéro de Zadig sur un bateau de pêche où je suis allé pêcher avec des marins-pêcheurs. Effectivement, là, ma qualité de journaliste est connue. Ça fait une partie de notre boulot est de trouver les personnes qui acceptent de nous prendre à bord, de faire en sorte qu'on les accompagne. Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans la vie d'intérimaire, pour enquête précise, effectivement, j'ai divulgué ma qualité de journaliste. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on a des services de communication qui sont tellement puissants, présents, qu'au final, dans ce genre de usine, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Alors là, vous avez dit que vous étiez un clampin ordinaire. C'était pas très difficile d'entrer dans une entreprise d'intérim, moins difficile que de passer le concours de gardien de prison, ce que vous avez fait pour un livre dans la peau d'un maton. Ça date, effectivement, j'avais écrit ce livre dans la peau d'un maton en 2011. J'avais pris, mais c'était la même logique derrière, si vous voulez. C'était, on est journaliste, on veut aller enquêter en prison. La prison est un service public, hein. C'est présenté souvent comme ça par la pénitentiaire. Sauf qu'on nous montre un peu ce qu'on veut bien nous montrer. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était d'aller raconter un peu le petit quotidien de la prison. Le plus simple, c'était soit de se faire incarcérer, soit devenir surveillant. J'ai opté pour la deuxième option. Bon, il faut y connaître quelque chose à la pénitentiaire pour devenir gardien et passer le concours. Vous n'y connaissez rien à l'intérim. Non, j'ai fait des missions d'intérim étant étudiant, comme ça arrive pas mal. En l'occurrence, j'ai fait une licence d'histoire et en parallèle, j'allais bosser l'été, transporter des palettes. Et donc, je connaissais un petit peu cet univers, mais pas plus que ça. Ça faisait 10 ans vous que j'avais aviez fait des missions. Alors, vous avez employé le mot, hein, mission. Votre contrat, c'est un contrat de mission que vous signez là. C'est ça. Ça m'a beaucoup fait sourire quand j'ai obtenu cette mission pour Zadig. Il y a un côté un peu agent secret dans la mission. En fait, c'est simplement un CDD. C'est le mot technique pour parler de contrat de durée déterminée. En l'occurrence, c'est une mission de 5 jours renouvelable. Donc, on part en mission. Une mission peut être un CDD d'une journée, de 12 heures, d'une semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, c'est très variable. Souvent pour le remplacement de quelqu'un qui manque, et là ça peut durer, qui sait, jusqu'à 18 ou 24 mois, et puis souvent aussi pour pallier aux difficultés liées à l'accroissement temporaire d'une activité d'entreprise. Et là c'était une entreprise qui emballait des parfums, des produits de beauté pour les collines Noël. Accroissement temporaire. Exactement. Donc mon reportage l'ai effectué en septembre 2019, donc il y a quelques mois en arrière. Et déjà en septembre, on préparait les cadeaux que tout le monde est en train d'acheter aujourd'hui. Donc à la chaîne, on mettait du parfum, du savon dans des coffrets, etc. Ce qui me faisait penser, au final, c'était un peu nous, les lutins du Père Noël. C'est plutôt les intérimaires que... Mais je vous rappelle, Arthur Frayer, que vous êtes aussi licencié en histoire. Alors, nous sommes dans une émission d'histoire. L'intérim en France, d'origine américaine, passé par le Royaume-Uni, a commencé à pointer le nez, bis en 1955, ou Manpower en 1956, la radio nationale. Monsieur Winter, vous auriez peut-être une déclaration à nous faire en américain. I am very happy to be in France again. This is my second trip to France, and it is always a pleasure to come back here and meet the good people of Paris. Vous êtes très heureux d'être en France, je résume, et nous sommes très heureux de vous y accueillir. Quelles sont, Monsieur Abreu, les activités de Monsieur Winter aux États-Unis, et quelles sont les raisons de son voyage en France? Eh bien, à la fin de la guerre, il y a eu en Amérique des problèmes de reconversion énormes, et Monsieur Winter a créé une société qui s'appelle Manpower, et qui résout tous les problèmes d'organisation, de main-d'œuvre, d'aide industrielle et commerciale auxquels les sociétés ont à faire face. Chaque fois qu'une entreprise a un problème qui se pose, pour les tirer d'embarras, aussi bien au point de vue productivité que automation, que personnel, que afflux de travail à une période de l'année où ils sont en surcharge, la société Manpower les tire d'embarras de tous les moyens possibles et les dépanne à un coût raisonnable et avec efficacité. D'abord, aux États-Unis, l'intérim, ça s'insère dans le système fordiste, et puis après, la guerre, ça entre dans un système marqué de plus en plus par la flexibilité. Et Manpower, après son installation, est toléré en France. La première loi, c'est 1972 seulement. Alors, quand vous signez le contrat, vous le signez avec qui ? Le contrat que je signe, je le passe avec l'agence d'intérim. C'est eux, mon employeur. C'est eux qui me payent à la fin mon bulletin. Le bulletin de salaire, j'en ai reçu un de 343 € à la fin de la mission d'intérim. C'est l'agence d'intérim qui le paye. On travaille dans une entreprise pour laquelle, au final, on est une sorte de prestataire de service, si vous voulez. Il y a un fort turnover, d'ailleurs, chez les intérimaires. Vous arrivez les uns et les autres. Alors, dans une zone enchanteresse, ça s'appelle, il n'y a rien de plus moderne, un Cosmetic Valley. Oui, c'est ça. C'est du côté d'Orléans. Il y a de grosses entreprises qui travaillent dans la parfumerie. Et il faut conditionner. On fait du conditionnement. Conditionner, mais c'est une zone logistique. Et vous y arrivez avec votre véhicule. C'est primordial. Florence Omnal disait déjà dans son livre « Cad Wistram » que la voiture, c'est déjà un élément clé de l'intérimaire. C'est que souvent, les zones logistiques se trouvent en périphérie des villes. Pour y s'y rendre, on a des horaires décalés. Et pour s'y rendre, le bus, le tram, c'est souvent très compliqué. Donc, il faut une voiture. C'est l'alpha et l'oméga, c'est la première chose à avoir pour aller bosser. Et penser aussi au temps de trajet et à l'essence. C'est un truc, c'est une sorte de calcul coût et désavantage. Et avantage, c'est combien de temps je mets pour aller bosser, à combien le gasoil, à combien je suis payé. On fait le calcul, est-ce que ça vaut le coup d'aller bosser à tel endroit. Et puis le véhicule, c'est aussi la cantine, c'est bien. Parce que vous remarquez qu'on mange là, dans le véhicule, en écoutant la radio. Ça, c'est mon premier jour de travail dans cette boîte d'intérim, il y a une cantine, une salle où on peut manger. Je me dis, bon, parfait, en reporter, je me dis, je vais laisser traîner mes oreilles là, le midi, au moment du déjeuner, voir ce dont parlent les gens. Je me retrouve dans la salle de pause de déjeuner, et là, personne. Quelques personnes, mais pas plus une dizaine de personnes dans une boîte où il y avait plus de 200 salariés. Et en fait, il s'avère que tous les gens mangent seuls dans leur voiture. Donc, sur le parking et à l'extérieur, il y a des voitures garées en file indienne. Et côte à côte, chacun est en train de manger son taboulé, en écoutant France Inter, évidemment, ou en jouant sur son téléphone. Non, mais sérieusement, ils écoutent quoi ? La plupart des gens, j'ai pas l'impression qu'ils écoutaient de musique ou ils sont sur leur téléphone. Déjà, le simple fait de pouvoir être assis, on va l'aborder, mais le travail qu'on effectuait est un travail debout pendant 9 heures. Donc, la pause déjeuner, c'est avant tout un moment où on peut être assis dans un siège. C'est le siège de la voiture derrière le volant, mais c'est la première chose. Et être au calme aussi. Pas avoir de bruit, environnement trop fort. Vous êtes très sensible au son. Vous feriez un excellent journaliste de radio. Et alors, les chefs, ils ont une voix pointue. Oui. Souvent. Souvent, il faut se faire entendre par-dessus le bruit des machines et le brouhaha ambiant de l'usine. 200 personnes dans un même entrepôt, ça fait un boucan dingue. Mais alors, c'est pas sorcier, on vous dit. C'est la chef de ligne qui vous dit ça. On dit pas chaîne, on dit ligne. On parle de ligne, on parle de chef de ligne en général. Je me trouvais sur une ligne où on était une petite dizaine de personnes à travailler. Et chacun avait une tâche ultra précise. Sortir un carton, y mettre un savon, quelqu'un d'autre à côté allait y mettre un parfum, quelqu'un d'autre allait refermer le coffret, et ainsi de suite. C'est très simple, chaque geste est très banal. Après, il faut le faire 9 heures par jour, debout. C'est la répétition à l'infini qui rend le travail compliqué. Mais j'espère que, comme vous n'aviez pas toujours de gants, les ongles qui saignent ne laissaient pas de traces dans les coffrets cadeaux de Noël. Voilà, ça c'était une des choses effectivement où, au bout d'un moment, on a les ongles qui s'écorchent un petit peu, donc à la jointure des ongles, c'est toujours un peu douloureux, on se retrouve à saigner un peu, sauf que c'est des flacons de parfum, il ne faut pas qu'il y ait une trace de sang, l'impression d'un doigt, donc il faut toujours faire attention à ça. Ça fait partie des 1000 petits détails qu'il y avait dans le travail auxquels il fallait faire attention. Ça, on n'avait pas le droit d'avoir une bouteille d'eau, par exemple. Pourquoi ? Personne ne savait trop me l'expliquer. Mais tout le monde venait avec sa bouteille d'eau, mais la cachait. Il fallait cacher sa bouteille d'eau de la chef. C'était un des trucs. Donc. Et ne pas porter de montre non plus. Ni de montre. Mais Dieu merci, il y a une horloge, non ? Oui, qui est vraiment ce qui ponctue complètement nos journées de travail. Manpower, Françoise Mathieu, bonjour. Oui, John. Encore ? Ton portable était en panne hier ? Écoute, combien tu veux ? T'as pas peur qu'il se sauve avec ton acompte ? Bon. Tu veux combien ? Bon, soyez sympas, les gars, appelez-nous la veille. Hein ? Ok. Donc, toi, tu m'as dit 200. Ok. Je vous prépare ça. Salut. Manpower Rennes Construction, Stéphanie, bonjour. Bon, écoutez, je voulais juste savoir aussi, monsieur Labidi, soit vous passez mercredi parce que j'aurai votre paye à l'agence, je vous la poste mercredi. Bon, écoutez, je fais le nécessaire. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez dit, Arthur Frigier-Lalex, pour ce travail de 5 jours dans un usine-entrepôt d'Orléans, combien ? En gros, ça fait un SMIC amélioré. Le SMIC est aux alentours de 1100 euros net. Enfin, un petit peu plus, 343 par semaine, x 4, ça fait du 1400 net à peu près. On peut demander des avances ici à Manpower. Alors moi, je n'ai jamais vu ça là où je suis passé. Ça me surprend. C'est qu'il n'y avait pas de fées comme en Bretagne dans certaines agences d'intérim. Donc vous avez travaillé une semaine, vous avez fait des heures supplémentaires, j'espère. Non, on me l'a proposé. J'ai décliné parce que il y avait un surcroît de travail. On nous a proposé une journée de venir travailler une heure supplémentaire le soir. C'est le piège quand on vous propose ça le matin. Vous arrivez très frais en début de matinée. Vous dites oui, ok, pas de souci. Je fais une heure supplémentaire. Sauf quand on a déjà 8-9 heures dans les pattes, Au moment où moi j'ai quitté la boîte après mes 9 heures de travail, et ceux qui restaient pour faire une heure supplémentaire, payaient donc à peu près 8-9 euros, tiraient des têtes de croque-mort, parce qu'ils savaient que c'était l'heure de trop. L'un d'eux a une jolie formule le soir, quand il regarde la télé. Oui, il y en a un premier soir, on se retrouve le matin, je lui dis alors comment, t'as fait quoi hier soir? Il dit, je me suis posé devant la télé, mais c'est plus elle qui m'a regardé que l'inverse. On va vous faire entendre Nino Ferrer. Il y a peut-être une intention provocatrice. Vous savez, sur les playlists en temps de grève, est passée une chanson qui a déchaîné l'ire dans certains réseaux sociaux. Une fille qui me plaît, je me l'envoie, chantait naguère Nino Ferrer. Alors ceci, en revanche, c'est de circonstance et très bien choisi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo. Son bureau, elle se bourre de chocolat. Quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je fais tour à tour le garde du corps, la voyante extra lucide. Et ça m'incommode, je dois me battre en duel. Et je trouve ça immoral. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements. On n'a jamais le temps de boire un verre, jamais le temps de faire un tour, jamais le temps d'aller dormir, ni de manger des petits fours. Et ça fait trop longtemps, ça dure et y en a marre, marre, marre, marre, marre. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Dans notre série des professions invisibles, Arthur Freyer, l'Alex s'est glissé dans la peau d'un intérimaire. Pour le compte de Zadig, numéro 4, la revue qui raconte toutes les Frances à la France. Bon, ça date un peu quand même, Nino Ferrer. L'intérim, c'est pas nécessairement pour ceux qui ne savent rien faire. Il y a une proportion grandissante de jeunes diplômés dans l'intérim. Y en avait-il là où vous avez travaillé? Il y avait de tout, pour être honnête. Il y avait, en laissant traîner mes oreilles, j'ai entendu une jeune fille qui passait le concours des impôts, par exemple. Elle voulait devenir inspecteur des impôts. Et donc elle en discutait à la pause avec d'autres qui la regardaient en disant « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Il y avait d'autres personnes. Il y avait un jeune à qui je travaillais qui, lui, à l'inverse, avait arrêté ses études assez tôt. Quand je dis jeune, c'est quelqu'un qui avait 20 ans, qui avait déjà 2 ans à peu près d'intérim dans les pattes, dans d'autres boîtes où il avait travaillé. À l'inverse, il y a des gens qui ont plutôt une bonne cinquantaine d'années, qui sont là, qui ont fait toute leur carrière dans l'intérim. Donc c'est très variable. On se retrouve avec des diplômés, des jeunes sans diplôme, des quinquas sans diplôme, et tout ça se mélange. Il y a les conversations intéressantes entre les gens, c'est surtout de discuter conditions de travail, agence d'intérim, c'est quoi ta boîte d'intérim? Ah, elle est bien, je te la conseille, ils ont telle conseillère qui est bien. Je suis allé bosser à tel endroit à un moment donné. On se refile un peu des plans, comme ça. C'est assez intéressant. Moi, je me posais la question au moment du reportage sur de quoi parlent les gens aussi. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de comparer entre on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, entre le bruit des réseaux sociaux et les conversations à la machine à café à l'usine. Il s'avère que la semaine où je suis allé travailler, c'était la semaine où on a énormément parlé de racisme anti-blanc, à la suite de déclarations de Lilian Thuram, mais les réseaux sociaux, Twitter, en bruissaient en permanence, etc. À la machine à café, mais personne n'en a parlé une seconde. C'est hors des radars, en fait. C'est pas du tout la même logique. Le seul sujet d'ampleur nationale dont les gens ont parlé cette semaine-là, c'était juste la sortie du dernier iPhone. Bah oui, mais ça permet d'accéder aux réseaux sociaux plus rapidement. Sauf qu'en l'occurrence, le prix du dernier iPhone coûte à peu près un mois de salaire là-bas. Alors, vous racontez les questions que se pose une mère de famille qui a un ado qui veut toutes sortes d'iPhones nouveaux et en plus des chaussures Gucci. Oui, c'est sidérant ces conversations qu'on avait. C'était, on parlait de Noël. Ah, bon, tiens, moi, je veux mon cousin, je sais plus qui, parlait de quelqu'un, d'un ado dans sa famille. Il veut une paire de Gucci, mais il sait combien ça coûte. Et on annonçait les sommes comme ça. Donc, quelqu'un disait, mais ça coûte 200 euros. Un iPhone, ça coûte 1100 euros. Et tout tournait autour de ça, sur combien ça coûte et combien il faut travailler. Encore une fois, en étant payé 1200-1300 euros net par mois, une paire de chaussures à 200 euros, c'est plus de 10% du salaire. Est-ce qu'on discute de sujets syndicaux ? Alors, vous notez ceci. Ah, il y a deux filles là qui sont dans un coin de l'usine, qui ne sont pas nécessairement avec le groupe des intérimaires. Elles parlent fort de la création nécessaire, dans peu de temps, d'un syndicat. Et vous notez, bah, elles doivent être CDI. Oui, parce que c'est une forme de luxe de pouvoir discuter comme ça de la création d'un syndicat. Ça peut paraître terrible de formuler la chose comme ça, mais il faut bien comprendre que moi, durant ma semaine de travail, j'ai vu quelqu'un se faire sortir, un intérimaire se faire sortir de sa ligne et renvoyé par une chef de ligne qui était mécontente en l'espace de 2 secondes. Le type faisait pas correctement le boulot comme il fallait, il lui a mal parlé. La chef de ligne est allée voir ses supérieurs en disant « mais lui, je le veux pas, il part ». Mais l'inverse est aussi vrai, ceci dit. Il arrive que des intérimaires plantent en plein milieu d'une journée de travail l'entreprise pour qu'il s'est posé des difficultés, parce que l'intérimaire dit « le boulot est trop compliqué, c'est trop dur, j'ai mal au dos, on parle comme un chien ». Donc c'est le revers un peu de la médaille de ce métier, du son qu'on entendait sur Manpower tout à l'heure, où effectivement Manpower vous fournit des intérimaires quand vous avez des soucis. Mais il y a une grande précarité dans les deux sens qui se met en place. C'est qu'au final, il n'y a plus du tout de continuité de travail, de solidarité aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous pète entre les doigts sur la ligne et que vous vous retrouvez tous en difficulté, comment les gens qui sont mis en difficulté réagissent-ils devant celui qui les a plantés ? Pas si mal que ça. Les gens plutôt tendance, les réactions que j'entendais autour de moi quand c'est arrivé cette scène, c'était pas sur ma ligne, c'était la ligne juste à côté. Et les gens de ma ligne regardaient en disant, le constat était le même pour tous. C'était, en même temps, vu comment la chef de ligne lui parle depuis le début de la journée, c'est normal qu'il se barre. C'est un peu la réaction. Vous savez que vous êtes dans une émission d'histoire, vous connaissez rien à l'intérim autrefois, maintenant vous en connaissez pas mal. Et moi j'ai appris qu'après la loi de 1972, il y avait eu des ordonnances en 1982. C'était peu après la prise du pouvoir par les socialistes, et on allait voir ce qu'on allait voir. Jean-Paul Bachy, 1982, donc secrétaire national aux entreprises du Parti Socialiste, et qui fait le bilan de l'époque Giscard qui vient de s'achever. Vacataire, auxiliaire, travailleur temporaire. Cette classe ouvrière bis, surexploitée, que représente-t-elle aujourd'hui ? 3 millions de personnes au moins. En 10 ans, sous Giscard d'Estaing, le recours aux travailleurs temporaires a été multiplié par 5. Cela n'a pas suffi à rendre l'économie française compétitive. Des secteurs entiers de l'industrie se sont écroulés. Les socialistes ne veulent pas jouer la politique du pire. Supprimer brutalement l'intérim, c'est risquer de doubler le recours au travail noir. Mieux vaut donc le réglementer. C'est l'objet des mesures qui viennent d'être prises. 1. Il faut mettre fin à l'anomalie qui consiste dans certaines entreprises à avoir en permanence un volant d'intérimaire constituant une main-d'œuvre sans statut. 2. Sur le même lieu de travail, dans la même entreprise, tous les salariés doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. 3. Quand un salarié assume un emploi précaire, il a droit à des compensations et à une protection particulière. 4. Les abus doivent être sanctionnés. C'était donc en 1982. Donc, l'intérim n'a pas été limité. Il représente l'équivalent de quelques 800 000 emplois temps plein actuellement en France. Quant aux entreprises de travail temporaire, elles sont devenues plus que des entreprises de travail temporaire, pratiquement des agences d'emploi privées, puisque depuis la loi Borloo, 2005, elles peuvent intervenir dans des dispositifs financés par les collectivités locales ou aussi bien les ACEDIC. Vous auriez un portrait à faire de la boîte d'intérim, je reprends vos mots, qui vous a embauché ? La boîte d'intérim, c'est souvent dans les villes moyennes comme Orléans, on se retrouve toujours dans des rues, en gros, le travail est concentré. À Paris, pareil, vous avez le boulevard Magenta, vous n'avez que des boîtes d'intérim pour le BTP. à Orléans, mais vous allez, je sais pas, à Nevers, Montluçon, c'est souvent pareil, la même disposition. Vous arrivez, c'est des agences, deux, trois jeunes filles, la plupart du temps ce sont des jeunes femmes, qui sont derrière des bureaux, au téléphone, et qui gèrent le tout venant, qui reçoivent les candidats, qui gèrent les questions de paye, etc. Moi, pour me faire embaucher, j'ai passé un petit examen, par exemple, dans l'agence d'intérim. Je me suis retrouvé dans une salle avec 5-6 candidats. On nous a fait passer un petit test, en gros, ça consiste à voir discrètement si on sait lire. On nous a fait visser des boulons, des écrous sur des tiges de vis, en moins de 6 minutes, c'était le truc. Si on réussit, et sans les faire trop tomber. Et si on arrivait, on était embauché. Dites-moi, pour finir, je reviens aux questions journalistiques avec vous, Arthur Frayer. Il y a bientôt plus que des intérimaires dans le journalisme. Comment vous, né en 83. Ouais, vous voyez le journaliste assis. Je parle producteur de radio qui fait une émission quotidienne depuis la plus haute antiquité et qui appartient à la génération des baby-boomers. Moi, la vision que je vois de notre métier, je pense que la plus-value, elle peut venir que du terrain. Mais en ça, je suis pas très novateur. Le reportage à l'ancienne, on parle déjà... C'est ça qui est un peu effrayant aujourd'hui. C'est plutôt, on parle du journalisme à l'ancienne quand ça consiste simplement à aller voir sur place et à rapporter. C'est ce qu'on essaie de faire à Zadig, beaucoup, juste d'aller voir sans prétention et se faire surprendre. Et d'aller voir. On est une profession qui se précarise beaucoup. Je pense qu'une vraie mutation, c'est qu'aujourd'hui, des gens, moi je travaille en indépendant, les jeunes journalistes sont pas au sein d'une rédaction et ont pas une logique, ont moins une logique collective que par le passé. Allez voir du côté des collectifs de pigistes. Aujourd'hui, je pense que la réflexion sur notre métier, elle se fait à l'échelle de collectifs, qui sont pas des rédactions. Collectifs, c'est juste des gens qui vont partager un bureau ensemble, pour mutualiser leurs compétences, leurs carnets d'adresses, etc. Mais c'est de ce côté-là qu'il faut voir l'avenir de la presse aujourd'hui. Et souvent, ceux qui s'engagent dans ce courant-là, des collectifs, ceux qui pensent l'avenir de notre métier, à mon avis, c'est là qu'il faut regarder, et c'est là où on a des reporters. Et si vous n'utilisez pas le mot journalisme d'immersion ou des mots comparables, c'est parce qu'ils sont souvent très très critiqués, les gens assis... derrière leur micro disent « Oh là là, ils prétendent être altruistes, ces journalistes qui s'immergent dans des métiers différents du leur, et ils sont pas mal narcissiques. » Oui, alors, c'est une remarque qui peut être juste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un mode de narration aussi. Ça permet d'intéresser nos lecteurs à des sujets que par ailleurs, sinon les gens auraient peut-être moins d'intérêt. Vous avez beaucoup de temps, beaucoup de pages, je veux dire, dans Zadig. Oui, on a cette chance-là, j'ai une quinzaine de pages par reportage. Oui, ça représenterait combien, Fabrice Drouel, en temps d'antenne ? Au moins une heure. Oui. Au moins. Difficile hein, de Vous avez de le traduire, droit de poser une question très brève à Arthur Frayer. Non, je pensais à cette expression journalisme d'investigation. On l'a pas utilisé. Mais beaucoup disent ça, un journaliste est forcément d'investigation, sinon il n'est pas journaliste. Une enquête. Et dites-moi, avant qu'on ne passe le générique de fin, à moins que Audrey Ripoux veuille nous passer le générique de fin et que Fabrice s'inscrive dessus, hein, voilà, Audrey Ripoux, notre réalisatrice, Louis Aubert, notre technicien, Frédéric Martin, Franck Olivard pour la préparation. Quel est votre sujet, cher Fabrice ? La mort de Ginka, jeune prostituée bulgare de 19 ans, dont le corps a été retrouvé dans une ruelle sordide du 19e arrondissement de Paris. À travers Ginka, c'est le drame que vivent toutes ces prostituées qui viennent d'autres pays, qui sont réduites en esclavage et qui perdent la vie parfois.